Bienvenue sur Radio Cayenne. Alors, on va commencer cette émission par une musicale sous le signe de la bonne humeur. Donc, je vous ai préparé un petit cocktail d'endorphine, de dopamine et de sérotonine sous forme d'ondes sonores pour votre plus grand plaisir. Et on va commencer directement avec une chanson qui s'appelle Bow Money de Galactic avec Rebirth Brass Band. En featuring. Chers auditeurs, chères auditrices, pour la prochaine chanson, il est vivement conseillé de mettre le volume à fond, encore un peu plus, car on va écouter Aznaduro de Shazala Kazu. C'est un remix de Watch Clan et ça déménage, c'est tout. Yeah. Yeah. Vous avez certainement reconnu, c'était la Afla d'Acide Arabe à l'instant sur Radio Cayenne. Et pour la prochaine chanson, on va écouter Lata Jauji de Duncan Bunt. Thank you. C'était Simbarere de Antonio Carlos et Joe Caffi à l'instant. On espère que vous profitez bien du soleil, que vous passez un bon moment sur Radio Cayenne. La prochaine chanson, elle s'appelle Namasté et c'est Dombes qui l'a composée. Dansez bien. Oh, C'était That's All Folks de Palov. La prochaine chanson qu'on va écouter, c'est The Cranious Monsters de Goumar. Donc c'est un son qui est très cheap, avec des sonorités assez 8 bits, mais qui résonnent la bonne humeur, on va dire. Et ensuite, on enchaînera, avec Work Song de Sirou. Yeah. Si y a des chansons qui sont passées, et vous vous dites, ah mince, c'est quoi qu'il a dit déjà comme nom? Vous inquiétez pas, il y aura un podcast avec toute la playlist et des liens pour réécouter tout ça. Et on continue notre musical, toujours dans la bonne humeur, hein, vu que c'est la thématique de ce soir, avec une chanson qui s'appelle Risky Source de K plus Lab. Yeah. À l'instant, c'était Quartetto de Olinda Caldo de Cana de Larry SKG. Alors, pardon pour la prononciation. Donc, c'est un remix au passage qu'on vient d'entendre. Et la prochaine chanson, c'est Shake the Thing de Monopartisan. I make hits, not the public. I tell the DJs what to play. Understand? On s'approche gentiment de la fin de cette musicale. Il nous reste trois chansons à écouter. Et la prochaine, c'est Funky Time de Tout Relatif. Ensuite, on va écouter des morceaux un petit peu plus connus, mais qui font toujours plaisir. En tout cas, j'espère que vous êtes dans un bon mood et que vous avez le sourire avec toutes ces musiques joyeuses. você vai sentir sabor. Espera. Et voilà, c'était Hangover de Buraka Som Sistema sur Radio Cayenne. Et on va se quitter avec une dernière chanson de Prolétaire qui s'appelle Federbe Square. C'est la version instrumentale de cette chanson. Gardez le sourire après cette musicale, voilà.